Attention, j'arrive. T'es mal au charisme, mais pas dans ta story. J'vis blacklisté sur Belize. Sur le côté VIP, que des 10 sur 10. J'vis dans la zone à risque. Oh, oh. J't'ai vu sur le périph', tu faisais la timide. Tu m'as vu sortir d'un bolide à 6 chiffres. J'ai vu ton sourire, donc tu n'es pas timide. J'ai beaucoup d'ennemis, j'ai remonté la vide. Dans le fond, tu le sais, j'fais ça pour te garder près de moi, mon bébé. Tu me connais, j'fais ça pour te garder près de moi. Dans le fond, tu le sais, j'fais ça pour te garder près. D'une façon plus poétique, t'es mon oasis dans cette capitale aride. Capitale aride, alors on s'éclipse dans la zone à risque. Oh, oh, oh. J'ai vu sur le périph', tu faisais la timide. Tu m'as vu sortir d'un bolide à 6 chiffres. J'ai vu ton sourire, donc tu n'es pas timide. J'ai beaucoup d'ennemis, j'ai remonté la vide. Dans le fond, tu le sais, je fais ça pour te garder près de moi, mon bébé. Tu me connais, je fais ça pour te garder près de moi. Dans le fond, tu le sais, je fais ça pour te garder près de moi, mon bébé. Tu me connais, je fais ça pour te garder près de moi. À tes côtés, à mes côtés, à tes côtés, à mes côtés, à tes côtés, à mes côtés, pour l'éternité.